Mimi Pinson, profil de grisette, par Alfred de Musset. Lu par Sarah. Chapitre 8. Marcel avait gagné son pari. Les 4 francs et le morceau de galette de Mademoiselle Pinson étaient sur la table de Rougette, avec les débris du poulet de Gênes. La pauvre malade allait un peu mieux, mais elle gardait encore le lit. Et quelle que fût sa reconnaissance envers son bienfaiteur inconnu, elle fit dire à ces messieurs, par son ami, qu'elle les priait de l'excuser et qu'elle n'était pas en état de les recevoir. « Que je la reconnais bien là !» dit Marcel. « Elle mourrait sur la paille dans sa mansarde qu'elle ferait encore la duchesse vis-à-vis de son pot à l'eau. » Les 2 amis, bien qu'à regret, furent donc obligés de s'en retourner chez eux comme ils étaient venus, non sans rire entre eux de cette fierté et de cette discrétion si étrangement nichée dans une mansarde. Après avoir été à l'école de médecine suivre les leçons du jour, ils dînèrent ensemble, et le soir venu, ils firent un tour de promenade au boulevard italien. Là, tout en fumant le cigare qu'il avait gagné le matin, « Avec tout cela, dit Marcel, n'es-tu pas forcé de convenir que j'ai raison d'aimer, au fond, et même d'estimer ces pauvres créatures ? Considérons sainement les choses sous un point de vue philosophique. Cette petite Mimi que tu as tant calomniée, ne fait-elle pas, en se dépouillant de sa robe, une œuvre plus louable, plus méritoire, j'ose même dire plus chrétienne, que le bon roi Robert en laissant un pauvre couper la frange de son manteau ? Le bon roi Robert, d'une part, avait évidemment quantité de manteaux. D'un autre côté, il était à table, dit l'histoire, lorsqu'un mendiant s'approcha de lui, en se traînant à 4 pattes, et coupa avec des ciseaux la frange d'or de l'habit de son roi. Madame la reine trouva la chose mauvaise, et le digne monarque, il est vrai, pardonna généreusement au coupeur de frange. Mais peut-être avait-il bien dîné ? Vois quelle distance entre lui et Mimi. Mimi, quand elle a appris l'infortune de Rougette, assurément était à jeun. Sois convaincu que le morceau de galette qu'elle avait emporté de chez moi était destiné par avance à composer son propre repas. Or, que fait-elle ? Au lieu de déjeuner, elle va à la messe, et en ceci, elle se montre encore au moins l'égale du roi Robert, qui était fort pieux, j'en conviens, mais qui perdait son temps à chanter au lutrin, pendant que les Normands faisaient le diable à 4. Le roi Robert abandonne sa frange, et, en somme, le manteau lui reste. Mimi envoie sa robe tout entière au père Cadédi, action incomparable en ce que Mimi est femme, jeune, jolie, coquette et pauvre. Et note bien que cette robe lui est nécessaire pour qu'elle puisse aller, comme de coutume, à son magasin, gagner le pain de sa journée. Non seulement donc elle se prive du morceau de galette qu'elle allait avaler, mais elle se met volontairement dans le cas de ne pas dîner. Observons en outre que le père Cadédi était fort éloigné d'être un mendiant et de se traîner à 4 pattes sous la table. Le roi Robert, renonçant à sa frange, ne fait pas un grand sacrifice, puisqu'il la trouve toute coupée d'avance, et c'est à savoir si cette frange était coupée de travers ou non, et en état d'être recousue. Tandis que Mimi, de son propre mouvement, bien loin d'attendre qu'on lui vole sa robe, arrache elle-même de dessus son pauvre corps ce vêtement plus précieux, plus utile que le clinquant de tous les passementiers de Paris. Elle sort vêtue d'un rideau, mais sois sûre qu'elle n'irait pas ainsi dans un autre lieu que l'église. Elle se ferait plutôt couper un bras que de se laisser voir ainsi fagotée au Luxembourg ou aux Tuileries. Mais elle ose se montrer à Dieu, parce qu'il est l'heure où elle prie tous les jours. Crois-moi, Eugène, dans ce seul fait de traverser avec son rideau la place Saint-Michel, la rue de Tournon et la rue du Petit-Lion, où elle connaît tout le monde, il y a plus de courage, d'humilité et de religion véritable que dans toutes les hymnes du bon roi Robert, dont tout le monde parle pourtant, depuis le grand Bossuet jusqu'au plat Anquetil, tandis que Mimi mourra inconnue dans son 5e étage, entre un pot de fleurs et un ourlet. « Tant mieux pour elle, » dit Eugène. « Si je voulais maintenant, » dit Marcel, « continuer à comparer, je pourrais te faire un parallèle entre Mucius Scaevola et Rougette. Penses-tu en effet qu'il soit plus difficile à un Romain du temps de Tarquin de tenir son bras pendant 5 minutes au-dessus d'un réchaud allumé qu'à une grisette contemporaine de rester 24 heures sans manger ? Ni l'un ni l'autre n'ont crié. Mais examine par quel motif. Mucius est au milieu d'un camp, en présence d'un roi étrusque qu'il a voulu assassiner. Il a manqué son coup d'une manière pitoyable. Il est entre les mains des gendarmes. Qu'imagine-t-il ? une bravade. Pour qu'on l'admire avant qu'on le pende, il se roussit le poing sur un tison, car rien ne prouve que le brasier fût bien chaud, ni que le poing soit tombé en cendres. Là-dessus, le digne Porsena, stupéfait de sa fanfaronnade, lui pardonne et le renvoie chez lui. Il est à parier que le dit Porsena, capable d'un tel pardon, avait une bonne figure, et que Scaevola se doutait que, en sacrifiant son bras, il sauvait sa tête. Rougette, au contraire, endure patiemment le plus horrible et le plus lent des supplices, celui de la faim. Personne ne la regarde. Elle est seule au fond d'un grenier, et elle n'a là pour l'admirer ni Porsena, c'est-à-dire le baron, ni les Romains, c'est-à-dire les voisins, ni les Étrusques, c'est-à-dire ses créanciers, ni même le brasier, car son poêle est éteint. Or, pourquoi souffre-t-elle sans se plaindre? Par vanité, d'abord, cela est certain, mais Mucius est dans le même cas. Par grandeur d'âme, ensuite, et ici est sa gloire. Car si elle reste muette derrière son verrou, c'est précisément pour que ses amis ne sachent pas qu'elle se meurt, pour qu'on n'ait pas pitié de son courage, pour que sa camarade Pinson, qu'elle sait bonne et toute dévouée, ne soit pas obligée, comme elle l'a fait, de lui donner sa robe et sa galette. Mucius, à la place de Rougette, eût fait semblant de mourir en silence, mais c'eût été dans un carrefour ou à la porte de Flicoteaux. Son taciturne et sublime orgueil eût été une manière délicate de demander à l'assistance un verre de vin et un crouton. Rougette, il est vrai, a demandé un louis au baron, que je persiste à comparer à Porsena. Mais ne vois-tu pas que le baron doit évidemment être redevable à Rougette de quelque obligation personnelle? Cela saute aux yeux du moins clairvoyant. Comme tu l'as d'ailleurs sagement remarqué, il se peut que le baron soit à la campagne. Et dès lors, Rougette est perdue. Et ne crois pas pouvoir me répondre ici par cette vaine objection qu'on oppose à toutes les belles actions des femmes, à savoir qu'elles ne savent ce qu'elles font, et qu'elles courent au danger comme les chats sur les gouttières. Rougette sait ce qu'est la mort. Elle l'a vue de près au pont d'Iéna, car elle s'est déjà jetée à l'eau une fois, et je lui ai demandé si elle avait souffert. Elle m'a dit que non, qu'elle n'avait rien senti, excepté au moment où on l'avait repêchée, parce que les bateliers la tiraient par les jambes, et qu'il lui avait, à ce qu'elle disait, raclé la tête sur le bord du bateau. « Assez, » dit Eugène, « fais-moi grâce de tes affreuses plaisanteries. Réponds-moi sérieusement, crois-tu que de si horribles épreuves, tant de fois répétées, toujours menaçantes, puissent enfin porter quelques fruits? Ces pauvres filles, livrées à elles-mêmes, sans appui, sans conseil, ont-elles assez de bon sens pour avoir de l'expérience? Y a-t-il un démon attaché à elles qui les voue à tout jamais au malheur et à la folie? Ou malgré tant d'extravagances, peuvent-elles revenir au bien? En voilà une qui prie Dieu, dis-tu. Elle va à l'église, elle remplit ses devoirs, elle vit honnêtement de son travail. Ses compagnes paraissent l'estimer. Et vous autres, mauvais sujets, vous ne la traitez pas vous-même avec votre légèreté habituelle. En voilà une autre qui passe sans cesse de l'étourderie à la misère, de la prodigalité aux horreurs de la faim. Certes, elle doit se rappeler longtemps les leçons cruelles qu'elle reçoit. Crois-tu que, avec de sages avis, une conduite réglée, un peu d'aide, on puisse faire de telles femmes des êtres raisonnables? S'il en est ainsi, dis-le-moi, une occasion s'offre à nous. Allons de ce pas chez la pauvre Rougette. Elle est sans doute encore bien souffrante, et son amie veille à son chevet. Ne me décourage pas, laisse-moi agir. Je veux essayer de les ramener dans la bonne route, de leur parler un langage sincère. Je ne veux leur faire ni sermon, ni reproche. Je veux m'approcher de ce lit, leur prendre la main et leur dire. En ce moment, les deux amis passaient devant le café Tortoni. La silhouette de deux jeunes femmes, qui prenaient des glaces près d'une fenêtre, se dessinait à la clarté des lustres. L'une d'elles agita son mouchoir, et l'autre partit d'un éclat de rire. Parbleu, dit Marcel, si tu veux leur parler, nous n'avons que faire d'aller si loin, car les voilà, Dieu me pardonne. Je reconnais Mimi à sa robe. Et Rougette à son panache blanc, toujours sur le chemin de la friandise. Il paraît que monsieur le baron a bien fait les choses. « Et une pareille folie, » dit Eugène, « ne t'épouvante pas ?»« Si fait, » dit Marcel. « Mais je t'en prie, quand tu diras du mal des grisettes, fais une exception pour la petite Pinson. Elle nous a conté une histoire à souper. Elle a engagé sa robe pour 4 francs. Elle s'est faite un châle avec un rideau. Et qui dit ce qu'il sait, qui donne ce qu'il a, qui fait ce qu'il peut, n'est pas obligé à davantage. » Fin de Mimi Pinson par Alfred de Musset. lu par Sarah.